originalité. C'est fou, 89.1. Des ciseaux de la radio campus de Trois-Rivières, c'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au palmarès, c'est fou pour la semaine du 20 au 26 avril 2015. Je m'appelle Mathieu Plante et on est ensemble pour 3 heures de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. D'ici la fin de l'émission, on va savoir si du côté francophone, le numéro 1 est toujours Galaxy avec Dragon, alors qu'en anglophone, on va se demander si c'est toujours Purity Ring avec Push Pull sur l'album Another Eternity Last. D'ici la fin de l'émission, on va aussi avoir nos chroniques récurrentes, comme dans la première heure, Palmer Rest in Peace, pour dire au revoir aux pièces qui nous ont quittés. Dans la deuxième heure, on a un instant classique avec les meilleurs moments d'assemblage requis et les succès du passé avec C'était fou. Dans la troisième heure, on va aller voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. C'est donc l'émission d'aujourd'hui. On va débuter avec la portion New Shit. On a 6 nouvelles entrées, entre autres Lisbon Telegram, League of Wolves, Hill in the Sky Heroes, Orange O'Clock et Bears of Legend. Mais on va débuter en 20e place avec un nouvel extrait d'une formation que je ne connais pas encore, c'est Richelieu. Voici Tu quittes 89 FM alors que toi tu viens d'arriver dans les panneaux assez fous. Ne me quitte pas. Oh non. C'est les panneaux assez fous. You're calling out to me. I cannot help but think that you want me to be. C'était Hill and the Sky Heroes avec The Flame. Position numéro 19 anglophone, nouvelle entrée de l'album Dark Days. Hill and the Sky Heroes, qu'on a découvert au poste d'écoute d'Assemblage Requis. C'était la semaine passée avec Stéphanie Paradis. On avait bien aimé ça et ça s'est retrouvé sur le palmarès instantanément. Avançant en 19e place francophone, c'était Lisbonne Telegram et Fugitive qui vient de l'album Miroir d'automne. Si vous avez peut-être entendu parler en fait de Lisbonne Telegram, je crois pas. Mais vous avez entendu parler d'un nom là-dedans, Maritza Bossé-Pelcha, qui fait partie de ce groupe-là. Cherchez-la, pour ceux qui ne se rappellent pas, parce que si je vous le rappelle, vous allez vouloir arrêter d'écouter Lisbonne Telegram, puis c'est bon. Aussi, François Dufault, Martin Farmer et Eric Raté. Un nouveau groupe de musique, Lisbonne Telegram, donc composé de ces gens-là. Un nouveau visage sur la scène musicale. C'est le résultat d'une rencontre entre les auteurs-compositeurs, que j'ai nommé tout à l'heure, auxquels se greffent rapidement les musiciens et compositeurs. Excuse-moi, j'ai tout mal lu ça. Maritza Bossé-Pelcha et François Dufault de The Blue Seeds, auxquels se greffent rapidement les musiciens et les compositeurs Martin Farmer de The Blue Seeds et Eric Raté aussi de The Blue Seeds. C'est d'abord à Montréal que l'idée de la formation voit le jour. Avant que Maritza ne parte pour un long séjour au Portugal en 2012, cette dernière et François évoquent le désir d'unir leurs forces. Cette assise se développe ensuite en correspondance entre Lisbonne et Montréal. Alors que les deux nouveaux complices échangent quelques sketchs de chansons par courriel. Concluante, cette première collaboration mène finalement la formation du groupe au retour de Maritza à la fin de cette même année et à l'enregistrement d'un album à l'automne 2014. Ça, c'est de la biographie. Avant, on a entendu en anglophone en 20e place League of Wolves avec Runaway sur leur album homonyme League of Wolves. Groupe de Maple Creek avec Dylan Curry, Aspen Beveridge, Greg Beveridge et Ethan Stork. Voilà. League of Wolves, d'ailleurs, qu'on avait aussi entendu dans un précédent poste d'écoute, parce que je me rappelle de la blague de Stéphanie quand elle a dit qu'il venait de Saskatoon en Saskatchewan, et je me rappelle pas de sa blague, mais c'était bien drôle. Ah, ça, oui, c'est une blague de Saskatchewan, l'animatrice de Canal V. Ah, il vient de Saskatchewan. Et avant ça, au tout début, c'était Richelieu et tu quittes. Richelieu, qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'informations à leur sujet. On sait que c'est richelieuband.bandcamp.com ou encore richelieu.band, leur site web, et facebook.com/richelieuband. C'est à peu près tout, fondé en 2014 par Marc-André Arcan, David Chassé et Philippe Mélilo. C'est pas beaucoup d'informations, ça, pour un groupe. Il me semble que vous faites une page Facebook, arrangez-vous pour en avoir plus que ça, mais bon, regarde, c'est pas moi qui vais la faire, votre page Facebook non plus, t'sais. Il nous reste encore deux nouvelles entrées à aller entendre. Elles sont toutes les deux du côté anglophone. Plus tard, en position numéro 17, on entendra du côté francophone Bears of Legend avec Can't Fight the Feeling. Mais on débute en position numéro 18 avec une nouvelle entrée, le retour de Orange O'Clock. Leur album s'appelle est un simple pour l'instant, c'est un simple. J'ai pas regardé ma feuille avant. Orange O'Clock avec Can't Fight the Feeling. Tantôt ce sera Bears of Legend avec Beside Me. Pince le piton puis arrête ce calvaire. Voilà. C'est pas là, c'est fou au 89 FM. Trop d'informations en même temps, là. Flying blind over the moon. Nothing comes of nothing. Yeah, nothing. I'm breaking through. What are you gonna do? You told me forever. Together. Just let the feeling come through. You're really leaving again. Or do you just wanna? Or do you just run out? Tell me what's your truth. You gotta stop this soon. Which way are you turning? Yeah, keep turning. I'm raising the roof. You feel backed into a corner. Told me forever. Together. Just let the feeling come through. You're really leaving again. Or do you just want out? Nouvelle entrée. You are a friend, the very first to know me as a man, the very last to kiss me in the end. But I am hard, I know, to comprehend, 'cause I'm not a saint. I got the devil in my selfish hand. I know you're seeking for a better man, like a treasure hiding in the sand. Still you wake up beside me, you wake up beside me. Still you wake up beside me, you wake up beside me. Of Legend et Beside Me, nouvelle entrée en position numéro 17 anglophone, bien sûr, et celui de l'album Ghost Written Chronicles. Ce célèbre groupe composé de Christelle Chartrey, Jean-François Grenier, Guillaume Grenier, David Lavergne, Jacinthe Pémoran, Francis Perron et Claudine Roy, un groupe de Trois-Rivières qui plaît, selon eux, avant tout aux amoureux, aux âmes sensibles et aux passionnés de la vie. Par le son des instruments folkloriques d'une époque vivante, les harmonies de voix tonale d'une chorale d'église et les rythmes valsants du classique, le groupe Trifluvien offre un spectacle fort en émotion, nous disent-ils. Les sept musiciens nous présentent une musique près des gens, une musique qui laisse parler le corps, l'esprit et surtout le cœur. Bearsoflegend.bandcamp.com ou facebook.com/Bearsoflegend. On a aussi entendu, juste avant ça, en position numéro 18, une nouvelle entrée de Hard to Clock. C'est un retour pour eux avec un simple nommé Can't Fight the Feeling. J'ai mis hâte d'entendre l'album au complet, Hard to Clock, et des vétérans des palmarès, c'est fou. Étant donné qu'on a accueilli 6 nouvelles entrées, en voici 6 qui s'en vont dans Palmarès in Peace. Just mountains of- Voici les pièces qu'ils ont quittées depuis les précédents palmarès. Sa grosse voiture pour aller embrasser le mur. Till you make them your own. But hey, do I know you?

de musique en marge. C'est fou, 89.1. Pour son numéro 15, anglophone, ça descend de la 8e sur l'album Better Days. Et en francophone, Violence, avec l'invention du divertissement qui monte de 4 à la nouvelle entrée de la semaine dernière sur l'album Le Théâtre. Un peu, c'est un maxi, en fait. On passe au 14e. En anglophone, c'est Napalm Pump qui descend de 7 avec Seamstress. Et tout de suite, voici Lubick et Cowboy qui monte de 1 dans les pommes assez fous au 89 FM. Dans vos oreilles. Ouais. 14. Et Seamstress, position numéro 14 anglophone, ça descend de 7. Et avant ça, en franco, on a entendu Lubic et Cowboy qui montent d'une place, troisième semaine de présence sur l'album jusqu'au bout. Vous êtes au Parleur Assez Fou. Tantôt, si vous restez avec nous, vous allez avoir droit, le privilège d'entendre un instant classique, une chronique où on entend les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine qui précède la diffusion des Parleurs Assez Fous. Ça s'en vient en début de deuxième heure, je dirais dans une vingtaine, un petit peu plus de minutes. Mais avant ça, en 13e place, on retrouve en anglophone The High Dials et Yester Graves qui descendent une. Ça dure depuis 6 semaines. Et en francophone, c'est Navarre qu'on s'en va entendre. Avec... Non, en fait, c'est Lubic. Lubic qu'on s'en va entendre. Oui. Est-ce que j'ai dit ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Attention. Lubic, oui. Lubic. Avec... est-ce que je suis mêlé? Je pense que je suis mêlé. On est rendu au 13e place. OK? On annonce ce qu'on vient d'entendre et on est rendu au 13e place. Du côté anglophone, oui, c'est bien The High Dials qu'on s'en va entendre. Je pense que je regarde ma feuille du mauvais bord. Ça arrive. En francophone, ce qui va jouer, c'est Navarre avec avec Trouver Asile. Cool, hein? C'est pas mal, assez fou. Puis avec un gars mêlé, ça donne ça une fois de temps en temps. T'sais? À un moment donné, t'sais, ça le dit dans la pub de s'étoniser pour ma déchéance. C'est là qu'elle commence, je pense. Trouver l'asile de Navarre. We'll be right back. 12. stew. But the very thought of you tames the ice and sows a chew. And the birds sing your praises every single morn. Though the whiskey bottle's shape shifts, it proudly finds its form. And by the light of the woods, I will sing for the lonely. And all of my hopes I will put in the warbler's reel long before May. In my solitude, once my eyes begin to weep, your voice is a faded tune, and the fire won't keep no heat. And the whiskey bottle faded, medicine no more. And by the light of the woods, I will sing for your love to reach me. And all of my c'était Del Bell et la pièce de My Solitude qui monte de 2 sixième semaine de présence en anglophone. Avant ça, on a sauté par-dessus Emily Cornu et Trois Pistoles qui descendent de 4 places. On a aussi entendu en 13e place The High Dials et Yester Graves et Navarre avec Trouver Asile qui a débuté le tout. Voilà, c'est la fin de cette portion de l'émission. Fermeture d'heure, comme on l'appelle. On se retrouve dans quelques instants avec une deuxième heure, la portion top 10 de l'émission. Là-dedans, il y aura entre autres Lita, Salomé Leclerc, Summerland et Marinelli, Vietcong, Modest Mouse et Twin River dans la deuxième heure des Palmarès Cifou. Restez avec nous. Fou de nuance. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. C'est la deuxième heure des Panoramas Cifou pour la semaine du 20 au 26 avril 2015. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure, c'est la portion top 10. Donc, on va entendre les positions 10 à 6 et nos chroniques récurrentes, comme un instant classique avec les meilleurs moments d'assemblage requis. Et on a aussi C'était fou pour retourner dans le passé. On retourne en 2010 cette fois-ci. Mais on va débuter avec les 10e places du côté anglophone. Ça descend de une pour Modest Mouse. Et Of Course We Know, ça dure depuis 3 semaines sur l'album Strangers to Ourselves. Et en position numéro 10 francophone, on trouve Lita qui monte de 3 places. 6e semaine pour La Mélancolie nous sort du nez. Écoutons ça ensemble, ok? Ok? D'accord. C'est cool ça que vous disiez oui comme ça. Sage public. Personne m'appelle par mon nom. On est tellement bien dans son fond de poubelle. La boîte sur le corps, ben des bonnes élections. C'est ça une mélancolie dans un gros chaud de poêle. C'est encore vrai que t'es en train de fondre. Le sang dans ta barbe pis ton rire forcé. Il est peut-être temps que ça se fasse donc. Plutôt que de ramasser ton corps sur mon plancher. Ma corde à linge est pleine de visage. Ça coule sous mon gazon, pourtant c'est juste une image. J'ai perdu pour prendre des vacances à la plage, pour que le ciel enlève C'est Of Course We Know, position numéro 10, qui descend d'une place en anglophone. Et Lita, avec La Mélancolie d'une sœur du nez, qui a débuté ça en 10e place franco, ça monte de 3. On va rester dans le super calme. Du côté anglophone, on va entendre Viet Cong et Newspaper Spoons. Mais tout de suite, voici Salomé Leclerc et Vers le Sud, qui monte de 3. Et juste après, ce sera les meilleurs moments d'assemblage requis avec un instant classique dans les palmarès. C'est fou. Thank you.

fou de spectacle. Vous êtes dans la zone 89.1. 8. Entendre Band to Break par la formation Twin River, position numéro 8, qui descend de 3 places en anglophone. Voyons, attention. Je pense que j'ai un poil en dessous de ma souris. Non, ça marche pas, ça marche-tu ça? Ça marche pas en tout. T'as un peu ça. Poup, non plus. Je pense que je l'aurai pas. C'est malaisant, ça, un peu. Bref, pas de fond, c'est pas grave. Bien sûr, entendu, les Marinelli et Ondi, position numéro 8, qui monte de 3 places. Voilà. Hey! On vient de me demander la question. Coudonc, t'animais pas avec un gars cette session-ci dans les palmarès, c'est fou, toi? C'était pas Jean-Philippe Charbonneau? Il est rendu où, ce gars-là? Ah, Charbonneau's, ou qui est rendu? Jean-Philippe Charbonneau. Ou Charbonneau's, tu sais, who knows? Ouais, c'est ça. C'était juste, ouais. Je voulais juste faire ce gag-là, scripté d'avance. On retourne au position numéro 7. Voici Summerland, et juste un peu trop dans les palmarès, c'est fou. Thank you. 7. Position numéro 7 anglophone, ça descend de la 4e et avant ça, Summerland est juste un peu trop, qui monte de 3. Tantôt, on sera au 6e place, je sais pas si on va avoir le temps, mais il nous reste encore Athéna et Humans à entendre dans les 6e. Mais avant ça, c'est le moment de retourner en arrière, voici C'était fou. Voici, on retourne à la semaine du 19 avril 2010. Yeah.

restless, needs attention, loses patience, seeks affection. Monkey grooms, blossom blooms, do you dig worms? C'était le bloc, c'était fou pour la semaine du 19 au 25 avril 2010. On a débuté avec le numéro 1 francophone, Carquois et Les Chemins de Verre sur l'album Les Chemins de Verre. Ensuite, le numéro 1 anglophone, la maintenant oubliée malheureusement, pièce Too Many Dicks on the Dance Floor sur l'album I Told You I Was Freaky, The Flight of the Conchords, un groupe humoristique néo-zélandais que j'adore. Et on termine avec un choix de ma part, c'était Hot Chip et la pièce Alley Cat sur l'album One Life Stand. Aussi dans le top 20 francophone et top 20 anglophone, commençons franco, il y avait Bernard Adamus cette semaine-là. Michelo, Xavier Caffeine, Vulgaire Machin, Damien Robitaille, Radio Radio, Fred Fortin, Zico Machine, Les Trois Accords, Orange Orange et le ski en anglophone. Il y avait Hunter Valentine, Plants and Animals, Danko Jones qui est encore sur le palmarès en ce moment, You Say Party, il y avait aussi OK Go et Tegan and Sarah ainsi que Charlotte Gainsbourg dans la semaine du 19 au 25 avril 2010. Le palmarès dit jusqu'au 25 avril, donc je me demandais s'il y avait une date de début à ça, mais quand même. Vous pouvez retrouver le lien sur assemblagerequis.com. Toujours dans les palmarès, il nous reste juste assez de temps pour entendre une seule des deux pièces, donc dans les positions numéro 6, on va sauter par-dessus Athéna, et pour un tour dans les draps qui monte de 3 places, on va l'entendre en anglophone, une pièce qui descend de 3 positions, voici Follow par Humans, tout de suite au 89.1 FM, c'est les palmarès, c'est fou. We'll be right back. Lindsay Follow pour ce numéro 6 Sound of Fun qui descend de 3 et en franco que je rappelle, on l'a sauté à Athéna avec pour un tour dans les draps qui monte de 3 places. C'est la fin de la deuxième heure des Palmarès C'est Fou, la portion top 10. On se retrouve dans quelques instants avec la portion top 5 et là-dedans, on va savoir si nos numéros 1 sont toujours Galaxy avec Dragon et Purity Ray avec Push Pull. On va aussi entendre la bronze, Ponctuation, El King, Milk and Bone et Dead Cap for Cutie ainsi que la chronique ailleurs dans les Palmarès. Ça se passe dans quelques instants au Palmarès C'est Fou. Voici là. C'est la troisième heure des Palmarès C'est Fou pour la semaine du 20 au 26 avril 2015. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette troisième heure, les numéros 1, d'ici la fin, on a aussi ailleurs dans les Palmarès. Ça va être dans deux blocs environ, où on découvre un petit peu ce qui se passe dans d'autres sections connues des Palmarès C'est Fou. Le top 30 des albums, le top 3 des Canadiens, le top 10 loud, le top 5 musique du monde. Mais c'est la portion de l'émission qui s'appelle le top 5. Donc on va commencer par les 5e places. En anglophone, c'est Danko Jones et Do You Wanna Rock qui descend de 3 places. Et tout de suite, par contre, ça monte de 2. Voici deux pouilles en cavale. Deux pouilles en cavale qui montent de 2, c'est incroyable. Voici Grippin, la très étrange pièce bien toastée. Qui est pas pour tout le monde, mais une fois qu'on commence à l'aimer, pas bonne, mais pas si pire que ça. Là.

but they never wanna leave. Pour ce numéro 3 anglophone. Ah wow, on dirait une version anglophone de Cœur de Pirate par moment, j'aime tellement ça. C'était donc une numéro 3 la semaine passée qui monte un bon bout de palmarès en 3ème place. En anglophone, on a entendu la bronze en francophone. Voyons, la bronze, clairement, la bronze, c'est du français, sinon c'est The Bronze. Avec Explose-moi qui monte d'une place. C'est une pièce extraite de leur album qui s'appelle aussi La Bronze. On est rendu au 2ème place. Tantôt, on va pénétrer dans la section ailleurs dans les palmarès pour aller voir ce qui se passe un petit peu dans les autres palmarès. Mais avant ça, donc en 2ème anglophone, c'est Milk and Bone et Coconut Water qui monte de 4 places. Et en francophone, ça monte de 1. Voici Les Incendiaires et Pink Venus. Sur le 89FM, ben, vous écoutez les palmarès, c'est fou. Et ça, vous le savez, parce que je m'enferme dans chaque mot que je dis. C'est sûr que c'est les palmarès, c'est fou. Ça peut pas être autre chose. sentiment. Vous êtes dans la zone 89.1. Deux. Bone et Coconut Water, position numéro 2 anglophone qui monte de 4, et en franco c'était Les Incendiaires qui montent d'une avec Pink Venus sur leur maxi du même nom, Pink Venus. Et nous avons seulement les numéros 1, le suspense est évidemment est tranchable avec un couteau à beurre, mais avant de passer au numéro 1, on va aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. C'est ailleurs dans les palmarès, la section où on regarde ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone, c'est aussi un top 30 des albums, un top 3 des chiffres canadiens, un top 10 loud et un top 5 musique du monde. Commençons par le top 30 des albums, tiens. Il y a deux nouvelles entrées. En 18e place, on retrouve League of Wolves avec League of Wolves. Et en 17e place, Hill and the Sky Heroes avec Dark Days. Les deux se retrouvent évidemment en nouvelle entrée dans le top 20 anglophone aussi. Dans le top 3 de ce même top 30 des albums, en 3e, ça monte de 16, L. King avec Love Stuff. En 2e, ça monte de 4, Milk and Bone et l'album Little Morning. Et en 1ère place, je le dis pas parce que Colin, c'est le numéro 1 anglophone aussi. C'est la même chose dans le top 3 des disques canadiens. En 3e place, Danko Jones avec Fire Music. En 2e, Milk and Bone. Et en 1ère place, je le dis pas. Dans le top 10 Loud, Il y a une seule nouvelle entrée, c'est We Are Harlot avec l'album, le maxi We Are Harlot. En troisième place, c'est stable, Judas Priest et Defenders of the Faith, 30th Anniversary. En deuxième place, c'est l'ancien numéro 1, Enslaved et In Times. Et en première place, c'est Van Halen qui monte de une avec l'album Tokyo Dome in Concert. Dans le top 5 musique du monde, deux nouvelles entrées. En cinquième place, Espida de Bacalao, une pièce de l'artiste Anat Cohen. En quatrième, c'est la pièce Habib Galbi de Awa. En troisième, l'ancien numéro 1, Painting Silhouettes, une pièce de Quantic. En deuxième, l'artiste Calexico et Kumbaya de Dunde. Et en première place, ça monte de une, Bamba Valley Remix featuring ZZ Ward par Angelique Kidjo sur la Bamba Valley Remix. C'est un single. C'est pas d'album, c'est un single. J'ai choisi d'aller dans le top 10 Loud pour entendre un extrait pour terminer cette chronique ailleurs dans les palmarès. Et j'ai choisi la nouvelle entrée du top 10 Loud. Donc, on va entendre l'artiste, le groupe We Are Harlot avec leur maxi We Are Harlot. Et j'ai choisi la pièce Dancing on Nails. On écoute ça tout de suite dans les palmarès. C'est fou, c'est ailleurs dans les palmarès. Et Dancing on Nails. C'est disponible en vidéoclip depuis le mois de janvier. C'est sur leur album nommé du même nom que eux-mêmes, We Are Harlot, disponible maintenant chez Roadrunner Records. C'était une nouvelle entrée dans le palmarès Loud. En position numéro 4, l'album We Are Harlot. Et vous pouvez entendre des extraits du top 10 Loud dans Rock Classique les vendredis entre 11h et 17h ici même sur les ondes de C'est Fou. On est rendu au numéro 1. Colin, ça a passé vite, ça, puis je sais pas quoi faire avec ça, parce que là, je suis encore dans la chronique ailleurs dans les palmarès. Il me semble que ça fait pas de faire des gags de numéro 1 là-dessus. C'est complètement inacceptable. Il nous faut un fond plus générique que ça. Non, il me semble que oui. Je pense que je vais aller avec celle-là, tiens, voir. Oh, c'est bien, ça. Ça va faire Arrion. Voilà. Donc, jeu de mots. Je suis de même. Je dis tout en ondes. Je vais dire ma planète préférée tout le temps. Je suis un livre ouvert. T'sais. Mon élément préféré, le dragon. Mon élément préféré, le feu qui le crache. Donc, c'est Galaxy avec Dragon qu'on va entendre du côté francophone. Du côté anglophone, même si vous voulez me soutirer des informations sur le numéro 1, je ne vous le dirai pas. Vous pouvez tirer, vous pouvez pousser, vous pouvez me tasser. Translation littérale, latérale. Translation littérale. Ça, c'est quand tu traduis quelque chose. C'est une translation. translation. You know what I'm talking about? Ouais, je suis de même. Je suis des jeux de mots. Je suis bon à marier par rapport aux jeux de mots. Si vous voulez des jeux de mots en couple avec moi, c'est ce que vous allez avoir tout le temps. Tellement que vous allez vraiment être tanné parce que vous allez me trouver salaud. Sale, parce que je ne serai pas pur avec ma bague de mariée. Purity Ring. Ugh. Et passer l'ensemble de l'éternité avec moi serait beaucoup trop. L'album est Another Eternity. Haha. Purity Ring, oui, la pièce de Push-Pull, vous aurez compris, pousser direct. Alors Push-Pull de Purity Ring et Galaxy de Dragon, nos deux numéros 1, on les écoute à l'instant. Dans les ballons, c'est fou, 89 FM. Man. Position. You push and you I could see a raring fear. I heard the planes moaning back. I saw the thunder roll our black. There was no light and I swear we sat still in our fear. Make a ladder of what folds and climb. Pour la semaine du 20 au 26 avril 2015 dans les palmarès, c'est fou. On vient d'entendre Purity Ring et Push Pull et Galaxy a débuté ça avec Dragon. Et là, vous vous dites, mais il me semble que ça ressemble étrangement à la fin de l'émission de la semaine passée. C'est parce qu'elles sont toutes les deux stables. Les deux restent au sommet. C'est rarement vu ça. Assez fou que les deux positions numéro 1 soient stables. Il nous reste encore du temps, une dizaine de minutes, plus ou moins 10 à 15 minutes. On va se faire un petit bloc rapide des 11e places qu'on avait sauté précédemment. Donc du côté anglophone, il y aura Autopilot et Desert Dreams qui descendent d'une place, 5e semaine de présence. Avant ça, par contre, voici Philippe Braque qui était nouveau la semaine passée. Il monte de la moitié du palmarès ou presque de 9 places. Donc voici tout de suite Ravin au 89 FM, les palmarès, c'est fou. Tu me téléphones avec ton téléphone. Tu m'attends avec ton temps. Tu ne m'écoutes pas avec tes oreilles. Tu ne vois rien avec tes yeux. Pourquoi tu me chies pas dessus avec ton cul? Je me suis toujours demandé s'il valait mieux rester dans ta tête que sur mes deux pieds. S'il valait mieux s'ouvrir les yeux au lieu des veines. Jusqu'à ce que je comprenne que j'étais devenu ta fausse sceptique. Ben j'ai des petites nouvelles, paraît qu'elle en dit pleine. Fait que j'ai décidé d'aboucher puis de te flusher. Pis de te flusher. Parce que si t'étais un char, je serais ton ravin. Si t'étais antisémite, ben je serais ton rabbin. Toujours besoin de quelqu'un ou ben quelque chose. Sais-tu, je prendrais plus long qu'une poule.

C'était Autopilot et Desert Dreams, position numéro 11 anglophone, précédé du numéro 11 franco, Fébrac avec Ravin. Voilà, c'est tout pour les panoramas assez fous de cette semaine. On se retrouve une dernière fois la semaine prochaine, mercredi entre 15h et 18h. Après nous, c'est Audiomatique, émission de musique électronique. Ensuite, à 19h, c'est les Audacieuses avec leur découverte musicale. On repasse les vendredis entre 17h et 20h. Après nous, les Bonnets Rouges jusqu'à Punk Up. Et finalement, les dimanches entre midi et 15h. Restez à l'écoute. Cif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion et tout le tralala. Retrouvez-vous là ensemble, faites un petit power party de musique. Je savais absolument rien dire ça. On se quitte avec une autre pièce qu'on a sautée tantôt. C'est la 18e position francophone, Le Couleur avec Club Italien qui descend de deux places. 9e semaine de présence, probablement sa dernière sur l'album Dolce Desir. C'est avec ça qu'on se quitte. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime fort, fort, fort. Mais pas trop non plus. Pas ambitionné. Hey, bye! Le ciel.